Motors, Jean-Luc Roy. Et voilà, on est reparti pour la deuxième heure de Motors. Que du bonheur, je vous le garantis. On va revenir dans un instant sur les résultats de la dernière séance d'essai pour avant le premier Grand Prix moto qui se déroulera donc au Qatar, à Doha, avec bien sûr Rodolphe Coisco, incontournable quand on parle de moto. Bonjour Jean-Luc. Salut Rodolphe. Et puis on parlera, je vous l'ai dit tout à l'heure également, de l'élection du pilote du mois avec Philippe Séclier, le rédacteur-chef d'Auto Hebdo. Et puis on reviendra sur ces 12 heures de Sebring, deuxième plus grande épreuve d'endurance au monde, où le triomphe Peugeot a fait résonner la Marseillaise. C'était dans la nuit vers 4 heures du matin. Le tout, c'était en direct sur Moto TV. On aura Nicolas Minassian et Olivier Quenel. Alors, Rod, on enlève deux roues et comme on le dit d'habitude, eh bien, on fonce du côté du circuit de Losail, donc au Qatar. Alors, évidemment, ce qui est important, c'est que cette dernière séance d'essai permet de prédéterminer puisque la saison débutera là, justement. Oui, exactement, dans un peu plus de 15 jours. Là. Ça sera le 11 avril précisément. Mmh. Et puis, cette séance, elle est différente de celles qui se sont déroulées sur le tracé malais de Sepang, puisqu'elle est de nuit. Hein. On rappelle quand même que le Qatar se déroule de nuit. Et oui, c'est une grosse particularité, éclairé. Absolument. Avec une anecdote l'an dernier où justement il avait plu, donc le Grand Prix avait été décalé au lundi soir. Et cette fois-ci, eh bien, ça s'est relativement bien passé. Il n'y a pas de problème au niveau de la météo. Et puis au niveau du classement, on attendait aussi beaucoup de choses parce que c'est différent de Sepang avec sa chaleur et son grip un peu réduit sous donc cette pression malaise. Là, on est arrivé sur un circuit avec beaucoup de grip. Ça a toujours été réputé le Qatar avec beaucoup de grip. C'est un circuit assez récent. On le foule à peu près depuis 2005, donc c'est quand même un circuit très récent comparativement à la Malaisie qui existe depuis plus de 10 ans. Et puis, en plus, il n'y a pas de Formule 1 qui roule au Qatar, donc on a un circuit vraiment très différent, un grand circuit avec des belles courbes qui donnent la part belle au pilotage, mais surtout une longue ligne droite qui est justement jusqu'à aujourd'hui a beaucoup servi les Ducati. Avec des temps également très très longs, hein, très c'est rare quand même de voir sur des circuits de Grand Prix des temps de près de 2 minutes à 1,55 pour les plus rapides, 1,55,717. Je vois une 55-353, c'est quand même pour Kazestoner. Allons-y, c'est lui l'homme le plus rapide avec sa Ducati. Ouais. Donc là aussi, on parle plus du tout des ennuis de Kazestoner. Là, il est remonté comme une pendule et il le démontre. Hein. Il le démontre parfaitement. Il était là en Malaisie. Rossi, alors justement, tu parlais des circuits longs. La Malaisie est un circuit assez long parce qu'on est au-delà des 2 minutes. Hein. On était descendu un petit peu. Rossi a donc effectué un nouveau record de piste là-bas en Malaisie. Et bien ici, à 1,55-717, c'est effectivement Kazestoner avec la nouvelle Ducati. Ça, c'est important de le souligner parce qu'elle a quasiment rien à voir avec celle de l'an dernier, mm-hmm. qui réalise le meilleur chrono, mais à l'arraché parce qu'il a eu fort à faire face à Valentino Rossi, qui a dominé principalement l'ensemble de ses essais. C'est vraiment sur la fin que Stoner vient prendre le meilleur chrono. La preuve, Rossi est deuxième à 49 millièmes, juste derrière lui, devant Andrea Dovizioso, Ben Spies, quatrième, et Niki Hayden, l'autre Ducati, cinquième. Donc ça confirme que chez Ducati, même si on a fait beaucoup de ménage également, du moins, on a rechangé la structuration de l'équipe avec notamment Livio Supo qui est parti chez Honda, et bien qu'on est là encore à nouveau, et effectivement les problèmes de Stoner sont apparemment dissipés. Alors j'allais t'en parler justement parce que bon, que Stoner aille vite avec la Ducati, on va dire que c'est pas une nouveauté, on sait quand il est en pleine forme, et il l'a démontré hein, après son interruption étonnante, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'y reviendrait pas, on en a beaucoup parlé, mais il est revenu en pleine forme, il a fait claquer des temps, il a fait claquer des victoires, il était nickel. Bon, il est nickel, il le démontre encore. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il n'est pas le seul à aller vite, puisque l'autre champion du monde, hein, faut quand même le rappeler, Niki Hayden, il était un peu la peine avec la Ducati et là, ma foi, avec les temps combinés, cinquième temps, bon, ça veut dire que les Ducati, dans leur ensemble, marchent. Il était là en Malaisie, il est là également au Qatar. On a beaucoup travaillé sur l'ensemble des aspects de cette nouvelle Desmo Sedici et bien, ça semble effectivement, ça fait longtemps qu'on cherchait Preciosi, le géniteur de cette machine. Moi, je l'avais rencontré à plusieurs reprises l'an dernier, il était quand même très déçu de ne pas pouvoir donner une machine homogène à l'ensemble de ses pilotes. On voulait pas tout miser sur un Kazestoner, bien évidemment, au-delà du fait qu'il ait eu des problèmes l'an dernier, on a vu à quel point ça pouvait déjouer la marque. Il est vrai qu'il fallait donner une moto homogène. On croit en Niki Hayden. Il est presque plus besogneux, Niki Hayden, que Kazestoner. Peut-être moins doué naturellement comme un Rossi ou comme un Stoner, mais néanmoins, la preuve, il travaille et ça se confirme. Moi, je te propose d'écouter Kazestoner justement à l'issue de ses essais parce que l'Australien nous explique ce qui s'est passé. C'était juste à l'issue de la première journée. Oui, nous avons essayé différentes choses, mais la chose la plus positive concerne la longévité des pneumatiques. On a effectué 34 tours et j'ai fait mon dernier chrono sur la fin. Donc nous sommes très très contents de la façon dont se passent les choses. On a connu quelques petits soucis en début de soirée avec le train avant. Et une fois le problème résolu, c'est l'arrière qui a commencé à poser problème. Nous avons finalement réussi à trouver une balance un peu meilleure. Il y a tout de même quelque chose d'un peu étrange entre la Malaisie et ici. C'est le bras oscillant, plus souple, qui fonctionnait mieux en Malaisie, où la piste possède moins de grip. Et nous arrivons ici avec le bras plus rigide qui nous convient mieux. Donc les deux bras nous font faire des chronos quasi identiques. Il faut juste bien déterminer nos choix sur la direction finale qu'il nous faut prendre. Donc voilà, on travaille quand même, on essaye quand même de savoir quel est le meilleur bras oscillant. On est quand même sur une grosse, grosse séance de travail pour peut-être affiner ce qui va se passer dans 15 jours et peut-être mieux préparer le premier round. C'est pas encore tout à fait gagné quand même. Et pour illustrer ce que tu disais, donc il a gagné plus de 3 dixièmes, hein, 3 dixièmes et demi à peu près entre les deux séances, justement, Casestoner, donc peut-être à cause de ces histoires de bras ou d'affinement des réglages. On voit que comparativement à un Rossi qui en Malaisie a défini encore une très bonne base qui sert également tous les pilotes Yamaha derrière, chez Ducati on réinvente pas la roue, mais on est en train vraiment on réinvente le bras. Voilà, une fois qu'on a bien travaillé le train avant, ben on s'occupe du train arrière, hein, si on peut dire. Et c'est vrai que là-dedans, c'est quand même très complexe. C'est le bras armé là. Si Stoner a donc progressé de 3 dixièmes et demi, eh bien je vois, hein, je me réfère autant que Nick Hayden lui a progressé de 7 dixièmes. Donc là, on va vraiment dans le bon sens. Et je rappelle qu'au niveau technique et technologique, c'est très intéressant. On est sur des bras aussi en carbone, vraiment des très belles pièces qui fonctionnaient pas dans le Grand Prix dans les années 90 et qu'on a pris soin d'adapter à cette moto. Également, tout le châssis est nouveau et en carbone. Hein. Alors, Rodolphe, il y a un pilote français, évidemment, tout de suite on va en parler, c'est Randy Depugnier. Alors Randy, lui pareil, il s'est bien débrouillé avec sa Honda, parce que les Honda sont un petit peu à la peine. Il termine 8e temps, c'est-à-dire au milieu du paquet avec sa Honda LCR, et là aussi avec une belle progression en chrono. Encore une fois, le français prouve qu'avec une machine privée et puis également des bons réglages qui ont déjà été déterminés à l'issue de la séance de la Malaisie à Sepang, Randy était là. Il a très bien travaillé avec Christophe Bourguignon et on ne s'est pas forcément payé en Malaisie. On l'attendait également un petit peu au tournant ici au Qatar, parce que on voulait voir, comprendre ce qui pouvait se passer. C'est quand même sa 3e saison sur une Honda avec des machines qui sont jamais simples, hein, pour les clients, il faut le rappeler. Et puis Randy confirme avec un chrono qui va bien, mais il aurait même pu faire mieux ses propres dires. Et c'est de bon augure pour ce qui va se passer dans 15 jours, justement. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement là, Randy Depugnier en ligne. Bah oui, évidemment. Salut Randy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Motors sur RMC. C'était important de t'avoir après toutes ces séances d'essai. Alors, on vient de le dire, hein, avec Rodolphe il y a un instant, tu termines cette séance d'essai donc au 8e rang. Si je ne m'abuse, tu es le 2e pilote Honda, hein, au milieu des autres. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Sur quoi as-tu travaillé majoritairement? Moi, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Entre la Malaisie et le Qatar, ça a été un peu le jour et la nuit. On avait bien avancé en Malaisie, surtout le dernier jour, avec de bonnes sensations. Malheureusement, ça n'a pas été concrétisé par un chrono, puisque j'avais plus de pneus neufs. Donc, je savais de quoi j'étais capable. Par contre, sur le papier, ça n'avait pas été validé. Et lorsque je suis arrivé au Qatar, dès les premiers tours de roue, je me suis senti sur ma moto. Et première séance, premier jour, je finis 5e temps en étant premier pilote Honda. Et le deuxième jour, je finis 7e avec Zeko, avec Lorenzo, j'allais te le dire, très très bon feeling, donc je suis vraiment satisfait, quoi. Et Randy, non sans problème, parce que un petit peu des problèmes de ventre gastrique, un peu malade, hein, sur ce début de ces essais. Hein. Ouais, j'étais malade en arrivant là-bas, 3 jours avant d'arriver, et je pensais que ça allait passer, mais malheureusement ça fait qu'empirer. Et jeudi, donc la première soirée, j'ai passé autant de temps aux toilettes que sur la piste, donc c'est un peu moyen. Et vendredi, ça allait beaucoup mieux. Ça m'empêchait pas de rouler. Par contre, c'est vrai que je fatiguais beaucoup plus vite. Et vendredi, j'ai retrouvé de la force. Donc, j'ai pu travailler, faire une simulation de course, qui était important pour moi avant le premier Grand Prix, d'en faire une sur ce tracé. Et oui, puis on se déshydrate, effectivement. Alors, j'allais te le dire, tu l'as annoncé déjà, Randy, tu fais le même temps, ce qui est quand même une sacrée référence, que Jorge Lorenzo avec la Yamaha officielle. Et cette Yamaha, dont justement Rodolphe disait tout à l'heure, un nouveau moteur, hein, je crois. Un nouveau moteur, mais on va rappeler quand même, c'est le retour de Jorge Lorenzo, qui n'était pas assez pang. On rappelle quand même qu'il est blessé. Il est blessé, absolument. Et qu'il a toujours des problèmes au niveau de la main, ça lui pose quand même des soucis. Il avait effectivement peiné, mais il est vrai que sur le package, la Yamaha avec pilote est quand même normalement plus performante. Et oui. Et c'est vrai que, pour le coup, peut-être qu'une blessure, Randy, de la part de Lorenzo, permet un peu de se hisser à son niveau. Hein. Non, mais c'est une super performance. Hein. Je suppose que tu en es très content, là, Randy. Non, moi je suis content. Maintenant, faut réviser, c'est que des tests. Voilà, Lorenzo sort de blessure. J'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il avait été surpris de son état de sa main. Il pensait pas être aussi performant. Après, sur une distance de course, je pense que c'est une autre chose. Maintenant, on connaît sa volonté. La course est dans 3 semaines, donc je pense que dans 3 semaines, il sera au top. Même s'il sera pas là pour la victoire, il sera là pour le podium. Maintenant, moi, mon objectif, c'est pas de me battre avec Lorenzo. Je sais que on dispose pas du même matériel, mais l'essentiel, c'est de se rapprocher le plus possible et profiter des moments où certains pilotes de pointe sont un petit peu en délicatesse pour être avec eux ou pourquoi pas devant, quoi. Alors, effectivement, tu vas pas te battre avec Jorge Lorenzo. Il en est à sa 3e saison de MotoGP. Il y en a un nouveau qui arrive, qui est là, qui va certainement passer par cette phase de rookie comme Marco Simoncelli, mais lui, il a déjà entamé cette phase de rookie avec des chutes. Oui, il a un début très difficile. C'est bien mis, hein. Je parle bien sûr de Ben Spies. Ben Spies, lui, il est là, mais simplement, il a chuté 2 fois. Donc, il va falloir également une période d'adaptation pour ces jeunes pilotes. Comment tu juges ses performances, même si c'est toujours difficile de savoir ce qui se passe dans une équipe concurrente quand on est soi-même en train d'être un compétiteur du championnat MotoGP, Randy? Déjà, pour commencer, on peut pas trop comparer Ben Spies à Simoncelli, parce que là, il y a vraiment une grosse, grosse différence de niveau, là, surtout sur le début des tests hivernaux. Ben Spies est dans le top 5 en Malaisie, et encore là, dans le top 5 au Qatar, même si il a été, je pense, moins impressionnant au Qatar qu'en Malaisie. Il a chuté 2 fois, il a l'air d'avoir perdu un peu de la confiance. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on arrive en MotoGP et que tout se passe bien, on est sur un nuage, rien peut nous arriver. Et au moment où on commence à tomber, c'est là où on doute. Ce qui est arrivé à Lorenzo, ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé aussi à Stoner la première année. Donc, il va falloir voir comment il va s'en remettre. Maintenant, c'est un pilote qui a de l'expérience, qui a été champion du monde. Donc, je pense qu'il sera là, à 100% au premier Grand Prix et ça va être un client sérieux, ouais. C'est clair. Très sérieux. Alors, Randy, à part ces petits soucis gastriques, hein, comment t'es-tu préparé cet hiver? Tu es en pleine forme, pas blessé. Donc, comment tu as travaillé ton physique? En fait, j'ai été vraiment malade après mon opération de la cheville au mois de novembre-décembre. Et j'ai passé surtout le mois de décembre vraiment affaibli. J'ai rattaqué le sport début janvier, la préparation. Et je dirais que là, je suis à 90%. Il me reste encore 15 jours avant le Grand Prix du Qatar pour peaufiner tout ça. Ma cheville va beaucoup mieux depuis, je dirais, un mois et demi. J'ai gagné beaucoup en mobilité, même si je me suis arraché la gaine qui maintient le tendon. Donc, je suis obligé de strapper la cheville pour rouler, sinon j'ai le tendon qui saute et qui vient bloquer la cheville. Donc ça, c'est pas très agréable. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Maintenant, j'ai pas de solution à part me refaire opérer pour recoudre cette gaine. Mais bon, c'est encore 6 ou 7 semaines d'arrêt, donc on verra ça plus tard. Ouais. Mais bon, je peux refaire la course à pied. Je roule en tout terrain, en enduro, en motocross. Je fais tout ce que je pouvais pas faire, pendant ma convalescence. Donc pour moi, c'est pas un souci. Je serai à 100% et surtout, je suis satisfait. C'est du feeling que j'ai avec cette moto. Ouais, c'est le plus important. Oui, bien sûr, tout ce matériel qu'on t'avait mis, c'est Olivier Dufour, hein, je crois, qui t'avait mis tout ça là, à un moment de temps. Ouais. C'est lui qui t'a opéré également pour te retirer les vis. C'est lui qui m'a une partie, parce qu'il me reste encore 4 vis dans le bas qui vient. Ouais, c'est vrai que là, t'avais bien morflé, comme on dit. Hein. Enfin, ouais. Chapeau à toi pour avoir terminé cette saison dans ces conditions. Il y a du monde qui vote derrière le français pour le premier Grand Prix de la saison. Ah, on sera tous là, je peux te dire. C'est l'encouragement et pas la pression, Randy, on te le dit, parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent. C'est du positif. Ouais, merci beaucoup, Randy, hein, d'avoir été avec nous à ce retour de séance d'essai là, de Doha au Qatar. Et puis, on suivra ça de très, très près, tu le sais, sur RMC. Et on prendra tes nouvelles régulièrement. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Ouais, bon dimanche. Allez, vous restez avec nous, on marque une toute petite pause et on continue à parler moto avec Rodolphe. On a encore un son, justement, on en parlait de Ben Spies à vous faire écouter. Dans un instant, c'est dans Motors, c'est sur RMC. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Je vais vous dire un truc, vous avez sacrément bien fait de rester avec nous sur Motors, sur RMC, puisqu'on va continuer à vous parler de moto avec Rodolphe Coisco. On a eu Randy de Punier il y a un instant. Alors, Rodolphe, on en a parlé avec Randy il y a un instant, la grande nouveauté quand même du monde des Grands Prix. Bon, on l'a dit, il y a Simoncelli hein, qui accède, qui monte de la 250 catégorie, on le sait, qui a disparu, mais c'est surtout l'arrivée de Ben Spies, le jeune pilote américain, auréolé de son titre de champion du monde en Superbike. Et pas que ça, parce que ça, tu le sais aussi, pour la l'avoir suivi pendant pas mal de saisons sur Motors TV, triple champion américain de Superbike. Absolument. Et surtout face à Matthew Mladine qui, au dire des spécialistes, est quasiment le meilleur pilote de Superbike de tous les temps. Alors ça se passait sur le continent américain spécialement, mais quand on est capable de battre un Matthew Mladine, pardon, trois années de suite en catégorie Superbike américaine. Et d'être champion du monde en Superbike mondial pour la première année. Et d'offrir pour la première fois le titre à Yamaha, parce qu'il y a tout, quand même, tout ça à mettre à son crédit. Hein, quand même, hein. Ça fait beaucoup. Alors, Ben Spies est arrivé. C'est vrai qu'on l'attendait en gros client quand même sur ce championnat du monde Superbike l'an dernier. Il a prouvé directement que pour lui, l'apprentissage des circuits n'était pas un problème. Il pouvait directement s'adapter. Il l'a prouvé dès la première course de la saison à Phillip Island. Il a remporté également le Qatar l'an dernier en Superbike. Il faut préciser quand même que justement, le juge de paix, quand on arrive sur un tracé comme le Qatar, qu'on a roulé en Superbike l'an dernier, qu'on s'est imposé et qu'on vient rouler de nuit avec une moto GP, il s'est dit, bon bah là, ok, j'ai essayé les trajectoires que j'utilisais l'an dernier en mondial Superbike, ça n'a rien à voir, donc il faut tout réapprendre. Et il apprend vite, hein. Il apprend vite. Très, très vite. Il se fait des petites frayeurs quand même, Ben Spies. Il est très bien avec les Yamaha. Là où Rossi se dit qu'il était inquiet par rapport à ce circuit, mais que la nouvelle moto semble bien fonctionner parce qu'elle a vraiment un très bon moteur. Pardon. Et c'est là-dessus également que Rossi était très surpris en arrivant en Malaisie lors des derniers essais. Que Lorenzo, c'était mieux que ce qu'il espérait vu la condition de sa main. Il a fait plusieurs tours, pas mal de long run, mais la main quand même fait mal sur les freinages. Et lui, Ben Spies, eh bien, il arrive, il est là, il se place et il frappe à la quatrième temps. Ouais. Hein, donc il faut le dire, derrière Stoner, on en a parlé, Rossi quand même, deuxième temps, et Dovizioso. Donc là quand même, et il devance Nicky Hayden, on l'a dit, Capi Rossi, Lorenzo, enfin du lourd, quoi, du très régulièrement lourd. Il est déjà presque devant Edwards, son coéquipier de chez Tech 3. Enfin, parce qu'il est chez Tech 3, c'est quand même la sacrée bonne nouvelle. Il roule pour une équipe française. Exactement, hein. Parce qu'on le rappelle Hervé, également. Hervé Poncharal, si tu nous écoutes. Cocorico, qui va d'ailleurs avoir une grosse saison devant lui, parce qu'on est également en Moto 2 chez Tech 3 cette année, on y reviendra justement avec lui. Alors Ben Spies, il arrive, il est avec un autre Texan à côté dans l'équipe française, il est là, très bien placé, il s'invite déjà dans le top 4 en étant le cinquième homme, mais va-t-il être longtemps le cinquième ou va-t-il certainement être mieux que ça? Alors je vous propose de l'écouter, c'était également à l'issue de la première journée, Ben Spies. Nous avons passé un pneu avant différent de celui que j'ai utilisé toute la première journée. J'ai fait quelques tours et je suis rentré au stand. Le résultat est que je n'étais pas très tranquille. On a modifié également la pression dans le pneu. Ce n'était pas le même feeling que j'avais eu jusqu'ici. Et j'ai chuté alors que je n'étais pas sur l'angle maxi, mais plutôt la moto était droite. Alors je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Alors bon, je ne suis pas plus stressé que ça, hein. On a eu une bonne journée, peut-être d'ailleurs la meilleure de toutes depuis que nous avons débuté ces tests. Maintenant, malgré une chute, on fait tout de même de bons essais. Ce sont que des tests, si on essaye de réunir tous les éléments pour réduire l'écart avec la tête du classement. Et puis c'est tout ce que nous avons besoin de faire. Et comme je dis, ce fut un bon jour, même avec ce petit incident qui n'est pas quelque chose de majeur dans notre préparation. But it was good. Like I said, it was a good day. It ended with a little low side, but it wasn't a big deal. And I think we had a really good day. Je vous ai laissé un peu d'accent texan, hein, d'accent du sud là, de Ben Spies, qui a chuté deux fois. Donc ouais. On s'adapte. On comprend pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça le stresse pas. Faut dire quand même qu'il est venu avec son chef mécanicien. Ça, c'est une donne importante également dans la préparation. Quand on voit Valentino Rossi avec Jeremy Burgess. Ah tiens, je vais te poser une question indiscrète. Est-ce que sa maman est toujours là? Parce que sa maman, tu te rappelles, hein, elle était là en Superbike américain. Elle était là aussi en Superbike mondial. J'ai pas l'information sur les tests du Qatar, mais c'est vrai que Marie Spies est là, parce que Marie, moi je l'ai rencontré l'an dernier à Valence, y a une vraie histoire derrière tout ça, et c'est vrai que c'est son fiston, c'est son petit poussin, mais il est vrai que Ben lui demande beaucoup, il est très exigeant, et elle s'adapte pour tout rayonner autour de lui. Ça fera certainement l'objet d'un sujet cette saison, parce que Marie Spies, la relation avec Ben, son fils, c'est pas uniquement vraiment quelqu'un qui couvre son enfant pour le protéger, c'est plus que ça. Au-delà de ça, on se rappelle un petit peu de l'époque des parents Schwantz avec Kevin, on est presque sur le même principe. Et au-delà de l'aspect de l'Américain, le Texan qui arrive en MotoGP, ce n'est pas sans rappeler la glorieuse d'Ericain avec René. C'est ce que j'allais te dire, c'est peut-être le retour de la grande époque des pilotes américains. Il portait le numéro 19 l'an dernier comme Freddie Spencer. Ouais. Il arrive cette saison. Attention, on revit un moment de moto. Peut-être quelqu'un qui, dans la saison, va être capable à la régulière d'aller chercher Rossi. Là où Rossi vise ses principaux concurrents en les personnes de Stoner, Pedrosa. Et il n'en était pas loin à l'issue de la première journée. Merci beaucoup, Rodolphe. On a fait un bon tour d'horizon. Ça nous donne, ça nous met l'eau à la bouche avant le et rendez-vous dans 15 jours. Et ben voilà, oui oui, on en parlera évidemment sur cette antenne. Merci Ciao. Beaucoup Rodolphe. Allez, on remet deux roues de plus et on retrouve Philippe Séclier, le rédacteur en chef d'Auto Hebdo, qui est notre partenaire, vous le savez, notre ami, notre copain. Philippe, salut. Salut. C'est Jean-Luc, hein. Alors, oui, Jean-Luc, oui, déjà, pour commencer, si tu veux, j'ai envie de te demander, toi, ce que t'as pensé du premier Grand Prix de la saison de Formule 1, évidemment. Allez, j'ai envie de dire, parce que la saison de cyclisme a repris, c'est un petit peu d'ailleurs l'objet de mon prochain édito, que c'est, on était dans une étape de plat et qu'on attend avec impatience la montagne. Ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, non, c'est premier Grand Prix. C'est vrai que, comme l'a souligné Patrick, Sakhir n'a jamais donné des courses exceptionnelles. Ouais, je pense qu'ils ont tous été un peu frileux au niveau des stratégies pour essayer un petit peu de s'observer les uns les autres. Je pense qu'il y avait une pression énorme avec le peu d'essais, avec le retour de Mercedes, de Schumacher, Alonso chez Ferrari, les deux Britanniques chez McLaren, Vettel, Red Bull. Enfin. Voilà, on sentait une pression énorme qui est montée progressivement. Voilà, donc maintenant à Melbourne, haut de circuit, en ville, on ne sait pas, il y aura peut-être une course formidable, il faut espérer que ça sera le cas d'ailleurs, et puis on verra pour la suite, mais attendons aussi le début de la saison européenne. Ouais. Je pense que c'est trop tôt pour tirer des conclusions déjà, quoi. C'est bien effectivement que les pilotes tirent déjà un peu de la sonnette d'alarme. Attention à ne pas commencer à faire des conclusions trop hâtives. Trop hâtives. Tu as raison, le circuit s'y prête pas et on le sait depuis longtemps. Tiens, j'ai oublié en parlant de moto, tu vois, en refermant la page, je voulais parler quand même de cette porte ouverte des circuits. Tu sais que c'est une opération qui est mise en place par la Fédération Française de Moto et que vraiment, moi, je veux soutenir à toute force parce que c'est tellement intelligent au moment où justement, tu sais que les motards manifestent à juste titre, évidemment, pour plus de sécurité sur la route, etc. Et là aussi, on leur reproche souvent, enfin, ceux qui ne connaissent pas, qui ne roulent pas à moto, leur reproche un certain nombre de choses, il faut déjà essayer. Donc cette initiative de la Fédération Française de Moto pour la 7e année consécutive qui consiste à permettre, il y aura au total 24 journées, hein, 18 journées qui porte ouverte circuit et porte ouverte Formule Plus, qui permettent donc justement à des motards de tous les jours de venir découvrir le pilotage et même la conduite améliorée sur circuit. Vous avez tous les renseignements sur le site de la Fédération Française de Moto, donc n'hésitez pas d'y aller, www.ffmoto.org. Ça coûte quand même seulement 45€ pour une journée sur un circuit. Et moi, je plaide pour que la Fédération Française de Sport Automobile, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Philippe, fasse la même chose, adaptée, bien évidemment, hein, mais avec les conditions de sécurité, peut-être ça permettrait d'exploiter justement d'une manière intelligente des voitures présumées rapides et sportives. Allez, Philippe, je voulais qu'on parle avec toi aussi de l'élection du pilote du mois. Alors, c'est un choix original hein, que tu as fait, que vous aviez fait avec la rédaction d'Auto Hebdo. Qui sont ces trois hommes peut-être moins connus du grand public. Ouais, en fait, c'est un choix original, mais on n'avait pas trop le choix non plus, à vrai dire. Et c'est en fonction du palmarès hein, du mois. Étant donné que, bon, février, on parle de l'élection du pilote de février, en rappelant qu'en en janvier, c'est Mikko Hirvonen qui a été élu, mais ça, c'est normal avec sa victoire à Monte-Carlo, qu'il a complété d'ailleurs avec sa belle victoire en semaine, mais ça ne comptait pas. En février, il y a encore très très peu de courses, donc on a été très très limité. On a choisi Jimmy McMurray pour sa très belle victoire à Daytona 500 en NASCAR. Le français Charles Pic a fait une très très belle pole en GP2 Asia, je crois me souvenir que c'était à Bahreïn, et qui a gagné une des courses d'Abu Dhabi. Excuse-moi, c'est pile l'inverse, mais c'est moi j'ai ça sous les yeux. C'est pas dur, hein, c'est parce que Désolé. Je l'ai sous les yeux dans les blancs, je t'en prie. Donc, j'ai confondu les deux circuits. La pole à Abu Dhabi et la victoire à Bahreïn, voilà, mais voilà, bon, c'est pas grave, donc, c'est pareil. Charles Pic, Charles Pic qui est un prétendant intéressant à la série GP2 en Europe très prochainement. Mais il va tomber sur un os avec le troisième, hein, si j'ai bien compris. David Valzecchi, voilà. Exactement, qui est le champion GP2 Asia. Voilà. Donc on a effectivement un trio assez inattendu, mais c'est bien, il faut pas non plus qu'il y ait que des superstars et des têtes d'affiche. Mais bien sûr, et puis ça permet de donner un coup de projecteur justement, on va dire sur des valeurs montantes justement de l'automobile. Alors on parlait également il y a un instant du prochain Grand Prix, tu as entendu la page F1 manifestement avec Melbourne qui est radicalement différent, et tu le sais bien Philippe, à tout niveau, au niveau du tracé, au niveau des... Est-ce que tu penses que les pilotes et les écuries vont avoir beaucoup beaucoup mieux appréhender justement un petit peu la peur qu'ils avaient. Peut-être pour certains, il faut le dire aussi, en autonomie, hein, carburant, parce que on sait que du côté de Massa, je crois que on a eu une petite alerte moteur, donc on a enrichi un petit peu, on l'a demandé de lever le pied. Enfin bon, finalement, et après, on savait pas s'il allait au bout. Et puis les pneumatiques, où on pensait qu'avec les pneus tendres, on n'allait pas très loin avec des voitures chargées en carburant. Tu penses que ce sont des arguments qui comptent, ça ? Oui, sans doute. Moi, je pense surtout que il faut se souvenir qu'à Melbourne, en général, il se passe beaucoup de choses. Il y a souvent la safety car qui intervient. Donc ça peut changer la donne aussi. Après, on va voir aussi ce qui va se passer lors de la séance qualif, parce que voilà, on a l'impression que visiblement, quand même, il faut être bien placé cette année pour faire des bonnes courses après. Donc la qualif va être très très importante. Faut pas oublier que Melbourne, donc c'est un circuit en ville, vraiment. Et que on n'a pas le droit à l'erreur. Et je pense que la séance qualif de samedi matin, si je me trompe pas, c'est vers 7h. Ouais, c'est ça. 7h du matin samedi. Ouais. Ça va valoir son pesant d'or parce que voilà, la première ligne et la deuxième vont être extrêmement importantes. Mais voilà, je pense que c'est pas impossible qu'après, étant donné qu'il y a quand même 2-3 virages très très piégeux, c'est pas impossible qu'après on ait pour la première fois de la saison la safety car, et on verra ce que ça signifie au niveau là encore des stratégies pour les pilotes pour cette deuxième course. C'est clair. Ah tiens, toi, à brûle pour point un petit peu aussi, toi tu regrettes finalement les ravitaillements en carburant ou pas, ou c'est trop tôt pour juger ce que tu disais tout à l'heure ? Non, sincèrement, moi, je pense que c'est trop tôt pour juger. Il faut vraiment attendre. Alors voilà, il y a eu des changements ici. Comme chaque année en termes de réglementation, on est tous d'accord pour dire que voilà, Bahreïn c'était un petit peu ennuyeux sur la fin. On s'est demandé d'ailleurs ce qui allait se passer, s'ils n'allaient pas s'arrêter une deuxième fois pour changer de pneu. Finalement, ça a tenu. Est-ce qu'il faut faire effectivement des petites modifications au niveau des gommes, comme en parlait aussi Patrick? Attendons de voir. Non, moi je pense qu'il faut être vraiment là pour l'instant. Un peu sérieux et se dire que voilà, il va se passer des choses, on l'espère tous. Il peut y avoir d'abord un différent vainqueur la semaine prochaine. Ah bah c'est clair, déjà, je t'interromps, pardon, c'était parti pour, hein, parce que Vettel était devant quand même, et a priori pour le passé, c'était pas facile. En plus, faut pas oublier que sans le nuage de fumée aussi au premier tour, oui. Peut-être que Kubica aurait été mieux, peut-être que ça aurait chauffé un peu plus du côté du groupe où il y avait Button, Schumacher, enfin voilà, on ne sait pas vraiment. C'est le premier Grand Prix, moi je pense qu'il faut rester prudent. Allez. Juste une petite chose par rapport à l'élection du pilote du mois, j'ai oublié de dire que les auditeurs et les internautes ont encore une petite dizaine de jours pour voter sur le site autohebdo.fr. Ah bah voilà, alors il faut en profiter effectivement, donc entre Jamie McMurray, on l'a dit, Charles Pic et Davide Valzecchi. Allez, ma dernière question pour toi, Philippe Séclier, donc rédacteur-chef de l'Hebdo, c'est 60 ans de Formule 1, hein, avec cette réunion formidable d'anciens champions du monde et d'anciens pilotes de F1 à Bahreïn. Ça, c'était très émouvant, hein, voir effectivement John Surtees, Mario Andretti, enfin il y a une photo super dans l'Hebdo, là, c'est vraiment très émouvant, très sympa. Oui, bien sûr, c'est l'histoire. Faut jamais oublier l'histoire. Faut jamais oublier, quel que soit le domaine. Et là, on parle de Formule 1, évidemment, mais c'est valable pour d'autres domaines. Ouais. Faut jamais oublier la mémoire. Faut jamais oublier ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On va y participer, nous, à notre façon, à partir du mois d'avril, et évidemment, surtout à partir du mois de mai, avec la date anniversaire qui tombe entre, si je me souviens bien, entre Barcelone et Monaco. C'est l'histoire qui tout d'un coup se déroule sous les yeux. 60 ans, c'est pas rien. Il y a eu une succession d'immenses champions, on peut le dire, depuis 60 ans. Et même si on a une belle saison en perspective là, avec quelques points d'interrogation encore, n'oublions jamais le passé, l'histoire et la mémoire du sport automobile. Absolument, tu as tout à fait raison. Et c'était fabuleux pour ceux qui étaient, hein, de voir rouler Jackie Stewart dans sa Matra MS80, donc championne du monde en 69. Vous racontez tout ça dans l'Hebdo. Emerson Fittipaldi, alors quel type sympa, fabuleux aussi. J'ai eu le plaisir de le rencontrer et de discuter avec lui à plusieurs reprises, avec sa Lotus 72. Enfin bref, on va s'arrêter Jack là. Jack Brabham aussi. Jack Brabham, bien sûr. Jody Scheckter, enfin bon. Damon Hill, et oui, il fait partie des anciens maintenant. Bon, ouais, allez. Bien sûr, à l'impôt. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Philippe, hein, d'avoir été avec moi aujourd'hui dans cette émission Motors sur AMC. Et puis, vous le savez, c'est dans l'Hebdo que ça se passe, hein, chaque semaine, si vous voulez, évidemment, des comptes rendus et toutes les analyses de tous les spécialistes. Et ils nous accompagnent également pour la F1. Allez, on attend Melbourne avec intérêt. Bon dimanche. Salut, Philippe. Salut. Ciao. Vous restez avec nous naturellement, puisqu'on va revenir, je vous l'ai promis, c'est dans quelques minutes. Maintenant, ils vont s'être réveillés du côté de la Floride. On va revenir sur ces fabuleuses 12 heures de Sebring qui ont vu un doublé Peugeot. Restez avec nous sur RMC. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, c'est déjà la dernière ligne droite de Motors, on vous le dit à chaque fois, mais c'est vrai que ça passe à une vitesse, à la vitesse d'une course. Tiens, comme les 12 heures de Sebring sur lesquelles nous allons revenir maintenant en compagnie de Stéphane Sarrazin. Salut Stéphane. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je sais que tu préfères être en Floride, hein, mais tu n'y es pas pour le moment puisque tu ne faisais pas partie des deux équipages Peugeot. En revanche, ce qui doit évidemment te réjouir, c'est de voir la domination qui a été exercée par l'équipe Peugeot qui réalise un doublé magnifique là-bas à Sebring. Ouais, c'est vraiment, vraiment génial de faire le doublé comme ça, première course de la saison. Et y aller vraiment pour s'entraîner, pour roder toute l'équipe, que ce soit les mécanos, les ingés, les pilotes. Même si s'il n'y avait pas Audi, ça fait toujours plaisir de faire un doublé. Bah c'est clair, je suppose que tu étais scotché hein, comme moi, comme nous, devant ton écran de Motors TV, puisqu'on avait toute la course en exclu et en intégralité. Et ce qui a été inquiétant, finalement, c'est de voir les deux voitures faire leur course. Hein. Olivier Quesnel l'avait dit, il n'y avait pas de consigne apparemment. Non, apparemment, ils avaient laissé un petit peu les pilotes se débrouiller avec les ingés. C'était, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça permet... ça a permis aux deux voitures de faire des stratégies décalées et puis de bosser dans deux directions différentes. Donc, plus d'expérience encore pour Le Mans et pour les prochaines courses. C'était au moins intéressant pour voir la bataille entre les deux autos. Eh oui, alors c'est l'équipage composé de Marc Genet, Alex Wurtz et Anthony Davidson qui l'emporte, mais de 13 toutes petites secondes devant Pedro Lamy, Seb Bourdet et Nicolas Minassian. Nico, on va peut-être essayer de la voir depuis la Floride. On a essayé d'équilibrer justement chez Peugeot. Hein, Stéphane, c'est la raison pour laquelle toi tu ne roulais pas, pour que tout le monde ait le même capital. J'imagine que tu attends la première épreuve avec une impatience non dissimulée maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est assez frustrant d'être à la maison devant la télé et de regarder les copains rouler. Donc, moi, c'est comme ça. L'équipe avait besoin d'équilibrer au niveau des kilométrages tous les pilotes. Avec Franck, on a beaucoup roulé en essai depuis pas mal de temps. Et donc, voilà. Puis il y avait Anthony qui arrivait, qui a besoin de kilomètres et de connaître l'équipe. Et nous, on est resté sur le côté, mais on roule très prochainement en essai et vivement Spa la première course. Oui, Spa la première course. Alors tiens, j'ai une bonne surprise et une bonne nouvelle pour toi Stéphane et pour nous, puisque Nicolas Minassian est avec nous. Alors il est tôt, hein. Il est tôt du côté de la Floride puisqu'il y a un décalage de 5 heures, il doit donc être 8h45 si je ne m'abuse. Nicolas, tu es là ? Oui, je suis là. Comment ça va ? Ça va. Bon. Salut Steph. Salut Nico. Bah tiens, je vais vous laisser discuter tous les deux. Tiens, vas-y, Steph, qu'est-ce que t'as envie de poser comme question à Nicolas après cette superbe deuxième place et ce beau doublé Peugeot là à Sebring? En fait, je voulais savoir d'abord si tu t'étais éclaté pendant la course. Ça avait l'air d'être super serré entre les deux autos. Et ce que t'en pensais? C'est bien éclaté parce qu'en fait, c'est un circuit, comme tu sais, c'est un circuit super. Les courses aux États-Unis, c'est toujours un grand plaisir. Et puis l'auto, on a quand même un petit peu progressé au niveau des réglages avec l'auto depuis l'année dernière. Donc on avait plus de grip et on attaquait un petit peu plus avec l'auto. Et surtout, en fait, on n'avait aucun problème mécanique avec l'auto. On a pu rouler pratiquement à fond toute la course, quoi. Ouais, c'est super, Nico. Et je sais qu'après, vous restez en essai aussi, hein, c'est ça? Vous continuez à rouler normalement et vous allez avoir les nouvelles Audi R15 en face de vous, c'est ça? C'est ça, ben moi je reste pas parce que, comme j'entendais dire Stéphane, au niveau kilométrage, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Et par contre, c'est Pedro, Marc Genet et Davidson qui vont rester. Et il y a aussi, c'est pour moi. D'accord. Oui, ça va être une belle bagarre. Comment te sens-tu là, Nicolas? C'est sympa, hein, je sais qu'on t'a réveillé là, carrément. Comment te sens-tu après cette course? On sait que le circuit est extrêmement exigeant. Hein, Sebring, ça tabasse beaucoup, comme tu l'as dit. Dans la voiture, c'était pas trop dur? En fait, c'est dur, mais bon, c'est dur un petit peu au niveau du coup, parce qu'en fait, ça bouge beaucoup. Mais bon, de notre côté, c'est un super entraînement. Il n'y a pas mieux comme entraînement. Hein. C'est le circuit le plus difficile de l'année, je dirais. Il faisait chaud, c'était un circuit où tu n'arrêtes pas de tourner le volant. Donc en fait, pour tout le monde, aussi bien pour les pilotes que pour les mécanos, c'est ce qu'il y a de mieux comme entraînement. puis pour les ingénieurs aussi au niveau stratégie, c'est vachement intéressant. Donc c'était vraiment le bon entraînement pour Le Mans. Eh oui, c'est clair, c'est vraiment, même s'il n'y a pas la longue ligne droite, hein, évidemment, comme c'est un circuit, tu le disais, très exigeant, et ça tabasse beaucoup, effectivement. Au début de course, quand on a vu la Lola Aston essayer de s'accrocher, Nicolas, ça t'a inquiété ou tu savais que ça pourrait pas durer très longtemps? Ben après, ils ont un groupe de pilotes qui fait qu'il y en a qui vont beaucoup moins vite que d'autres dans le team, donc on s'est pas trop excité sur ça. Mais je dirais que les équivalences, tu peux pouvoir le tourner cette année. Avec le changement des brides un petit peu, la réduction de 5% pour nous et plus de 5% pour les essences. C'est que maintenant, il y a 10% d'écart et on voit bien les lignes droites, ils sont très vite maintenant. Hein. Oui. Quand c'est que vous allez vous retrouver donc tous ensemble avec Stéphane pour rouler, c'est lors des prochains essais au Paul Ricard, c'est ça? C'est ça, pour ça, les essais au Paul Ricard, c'est... Mais c'est super parce que maintenant on va pouvoir se concentrer à 100% tous les trois et on va pouvoir travailler sur les réglages, on va pouvoir travailler sur les changements de pilote. Et puis on va pouvoir rigoler un peu aussi parce qu'on s'entend bien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, ben, je te remercie beaucoup, hein, Nicolas, de t'être réveillé. On va garder Stéphane, on va continuer avec lui. Merci infiniment. Tu vas pouvoir t'étirer et te retourner de l'autre côté, là, comme on dit. Merci d'avoir été avec nous après cette superbe deuxième place à Sebring. Salut, Nico. Ciao, Nico. Merci, à bientôt. Bon, Stéphane, ça doit te rassurer là quelque part, hein, ce test grandeur nature qui va se poursuivre en plus, hein, de surcroît pour les jours qui viennent face aux Audi. Mais c'est vrai qu'on roule beaucoup en essai et jusqu'à présent, cet hiver, ça s'est très bien passé. À chaque fois, on progresse un petit peu, comme l'a dit Nico, dans le comportement de la voiture. Mais bon, là, voilà, la course, c'est la course. Et Sebring, c'est vraiment la course la plus difficile avant Le Mans. Donc, c'est très bosselé, il fait très chaud. C'est difficile pour les pilotes et pour les autos. Donc, voilà, faire un doublé, aucun souci au stand. Les arrêts sont bien passés. Donc, ouais, c'est parfait, quoi. C'est un bon début de saison. Maintenant, on va encore travailler. Et je pense qu'ils ont dû... voir quelques points améliorés et on va continuer à bosser. Et puis comme l'a dit Nico, avec Franck, on sera tous les trois et là on va vraiment bosser en endurance sur les équipages et s'entraîner pour être le plus performant possible. Et oui, Spa, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça va être la vraie grande répétition puisque de chaque côté, on mettra trois équipages et des équipages du Mans. En plus, pas là non plus, on ne va pas établir de comparaison, mais c'est un circuit rapide, un circuit où on peut tester toutes les qualités de cette 908 AGI. Ouais, Spa, c'est vraiment exigeant aussi, il y a des courbes très rapides comme au Mans. La vitesse est très élevée, il y a blanchiment, il y a le raidillon. Ouais, c'est dans l'ensemble, on va dire que c'est un très beau circuit où on prend des vitesses assez élevées. Donc le fait qu'il y ait les trois Audi, ça va être fantastique et ça va nous mettre un petit peu en appétit avant Le Mans, quoi. Ouais, ils ont caché leur jeu, hein, les Audi. On a eu Romain Dumas, je sais pas si tu écoutais en début d'émission là, qui lui était en Allemagne. Hein. Il avait mené des essais pour Porsche puisqu'il va participer aux 24 heures du Nürburgring pour Porsche et il sautait dans l'avion pour partir en Floride tester la R15 Plus là justement. D'après ce qu'on sait, on a vu quelques photos dans la presse. Hein, Stéphane, ils ont procédé à de grosses améliorations sur cette Audi. Ouais, apparemment ils ont beaucoup bossé au niveau aéro et même au niveau moteur parce que apparemment ils étaient pas très contents l'année dernière. Et ouais, il faut s'attendre de façon à beaucoup plus de rivalité cette année, ça va être plus dur. Et bon, nous aussi on a progressé, mais on sera fixé, je pense, déjà à Spa on aura une bonne idée. Ouais. Mais après, quoi qu'il en soit, ce sera difficile de réagir, il ne restera plus qu'un mois. Donc espérons qu'on ait assez travaillé et il y a la fiabilité aussi, et assez bon que ça s'est plutôt bien passé. Donc, ouais. Voilà, tout très, se passe bien. Plutôt sereinement. Bah nickel, ouais. Justement, sereinement, c'est ce qu'on va savoir. On va en avoir la confirmation tout de suite. Tu restes avec nous, Stéphane, avec Olivier Quesnel, qu'on a depuis la Floride également. C'est la bonne nouvelle, le patron de Peugeot Sport. Alors tout d'abord, félicitations, Olivier, c'est fabuleux. Première fois qu'une marque française triomphe à Sebring, et en plus avec le doublé. Hein. Ouais, tout à fait, bah, c'est magnifique. Maintenant, il y aura le drapeau bleu, blanc, rouge et Peugeot sur le fronton de Sebring. Au milieu de tous les drapeaux allemands, Porsche, américains et autres, et italiens, bien sûr, avec Ferrari. Et donc voilà, c'est rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. Bah c'est clair, hein, le boulot a été fait et sacrément bien fait. Dis-moi, tu n'as pas pris un risque calculé, hein, j'imagine, de laisser la bride sur le coup de tes équipes, si j'ai bien compris? Bah, de toute façon, moi, la priorité était de s'entraîner et de gagner dans la foulée. Oui. Mais de figer la course très rapidement, je voyais pas le sens par rapport à ce qu'on a besoin de faire pour préparer Le Mans. Donc j'ai pris sur moi de leur faire confiance, et bien m'en a pris puisque tout s'est bien passé. Et ça a permis de faire et de montrer un spectacle magnifique parce que les deux Peugeot ont lutté au coude à coude jusqu'à la dernière demi-heure. Donc le dernier ravitaillement où là, dès qu'ils sont sortis du ravitaillement, puisqu'il est hors de question qu'ils s'attaquent, j'ai figé l'ordre. Ah ouais non, c'était carrément fabuleux, un bras de fer. Est-ce qu'au début la Lola Aston qui était très rapide en début de course, ça t'a un petit peu soucié? Bon, Nicolas nous disait pas vraiment, on savait que l'équipage n'était pas homogène. Oui, non, mais indépendamment de l'Aston ou de la Drazen, c'est que la nouvelle réglementation d'une façon plus globale favorise maintenant les essences. Oui. De par l'augmentation de la bride et de la réduction de la bride que nous on a eu en corollaire. Mais il y a des petits effets collatéraux, c'est que les voitures essence, elles consomment beaucoup plus. Oui. Et nous, on consomme moins. Donc aujourd'hui, de notre côté, on est beaucoup plus vertueux, mais l'écart est toujours presque le même, dans le sens où eux sont obligés de ravitailler beaucoup plus souvent que nous. Oui. Olivier, tu as Stéphane Sarrazin avec nous là, justement. On commentait cette course qu'il a suivie évidemment devant Motors TV, hein, puisque tu sais qu'on retransmettait la course en intégralité sur notre antenne. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Stéphane pour probablement le conforter, le rassurer avant les prochains essais auxquels il va participer? S'il a vu la course, il a vu que l'auto était d'une fiabilité exemplaire, que les pilotes ont été très performants, que les ravitaillements se sont déroulés de façon parfaite. Et que la stratégie, même si on a laissé les deux ingénieurs d'exploitation et leurs équipes se bagarrer, à une demi-heure de la fin, ils étaient toujours dans la même seconde. Et en ayant des stratégies décalées, ils sont arrivés au même résultat. Donc ça veut dire que maintenant, tout est maîtrisé de A à Z. Ouais, Stéphane, c'est rassurant pour toi, évidemment. Hein. Bien sûr, ouais, c'est très rassurant. L'équipe a démontré qu'elle pouvait faire une course parfaite, comme l'a dit Olivier. Un doublé, pas d'erreur au stand, des stratégies décalées, donc encore plus d'expérience, de choses à prendre ce week-end. Donc, je pense qu'on progresse et puis ça va monter comme ça jusqu'au Mans en essayant d'être vraiment prêt pour les 24 heures. Alors, Olivier, le programme immédiat, on le sait, hein, ce sont des séances d'essai. Donc, vous allez essayer de les casser en quelque sorte, ces 908 HDI, en tout cas de les pousser à bout lors des quoi? Des 2-3 jours qui viennent là, à Sebring, et face aux Audi cette fois. Les deux prochains jours, on continue à rouler. Là, on va retrouver Audi qui est venu que pour les essais d'après-course. Oui. Mais ça, c'est leur problème parce que rien ne remplace la course. C'est clair. Et donc, on va les retrouver, mais on peut penser qu'on va s'épier mutuellement. Nous, de toute façon, notre travail a été réalisé. Maintenant, on va continuer à valider un certain nombre de choses sur des durées de pièces ou autres. Mais on va surtout les épier et regarder ce qu'ils font. Hein. Oui, c'est clair. On sait qu'elle a beaucoup évolué, hein, c'est ce que nous disait. On a eu Romain Dumas en début d'émission, là, qui lui part d'Allemagne pour aller participer à ses essais pour Audi, pour venir justement en Floride. Elle a beaucoup évolué aérodynamiquement. On a vu quelques photos d'ailleurs, Olivier. On peut déjà en tirer quelques enseignements. Tes ingénieurs se sont penchés là-dessus? Pas plus que ça, mais ce que je sais dire, c'est que je ne devrais pas porter réclamation. Bon, c'est déjà bien. Donc, pour le reste, on peut leur faire confiance. Ils ont bien travaillé, l'auto est belle. Et puis, leur pouvoir de développement est supérieur au nôtre, puisque nous, on attaque la quatrième année et que l'auto est en bout de développement. Oui. Mais on a pour nous la fiabilité, la sérénité, et ça compensera peut-être l'écart de performance. Oui. Puis on a surtout, je pense... des équipages qui sont bien plus homogènes que peuvent l'être ceux d'Audi. ça doit te faire plaisir, hein, Stéphane? Ouais, c'est toujours sympa, merci. Ouais. Mais c'est vrai que ce week-end encore, les six pilotes ont prouvé qu'ils faisaient un super boulot et même s'ils avaient course libre, ils ont roulé en respectant chacun l'autre voiture et c'était très sport, comme d'habitude. Eh oui, c'est pas forcément évident, hein, Olivier, quand on est dans une voiture comme ça, de penser toujours, bon, on sait bien que c'est de la même équipe et que ce qui compte, c'est de préserver le résultat final, mais enfin, bon, dans le feu de l'action... Les esprits sont un peu échauffés sur le finish, mais j'ai pas eu à élever la voix plus que ça, j'ai deux, trois fois recentré le problème. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu de souci. Bon, bah nickel. Bah écoute, encore à nouveau, félicitations Olivier, à toute l'équipe Peugeot, à tous les copains mécano, ingénieurs et pilotes, évidemment, pour ce doublé fabuleux des 12 heures de Sebring. Merci beaucoup Olivier, et merci de t'être réveillé ce matin. Merci infiniment Stéphane, on a hâte de te voir toi aussi aux commandes de cette très belle et toute nouvelle 908 HDI. Ça va être du lourd, hein, comme on dit. Ouais, c'est clair. Mais vivement le pas. En tout cas, on va bosser jusqu'à cette course et j'ai vraiment hâte d'y être. Ouais, ça j'en suis persuadé, ça se sent. Merci infiniment Stéphane d'avoir été avec moi ce matin dans Motors. Voilà, c'est déjà terminé. Et oui, 2 heures de sport mécanique. Voyez, on est parti un petit peu partout dans le monde et sur tous les circuits. On vous a donné une vue à peu près complète du sport automobile ce dimanche. C'était un grand plaisir pour moi. On se retrouve dès le week-end prochain. Ce sera de la Formule 1, rassurez-vous, avec le Grand Prix d'Australie et toute la Dream Team. Restez toujours sur RMC, c'est là que ça se passe. Salut à tous. RMC Motors avec Motors TV.